Pour poursuivre ma présentation du drame romantique, voici maintenant un aperçu de Chatterton que Vigny écrivit en 1835. Vous me pardonnerez pour mes maladresses dans la langue de Shakespeare. Nous sommes à Londres en 1770, dans la demeure de Kitty et John Bell, son époux, un riche industriel. Depuis 3 mois, les Bell ont comme locataire le jeune Chatterton qui s'est réfugié chez eux sous le nom de Tom. Chatterton est un poète célèbre. On admire ses pastiches de la poésie médiévale qu'il attribue modestement à un moine nommé Raleigh. Sur les conseils d'un vieux Quaker, ami de la famille, Kitty Bell s'empresse de garder la Bible offerte à sa fille Rachel par Chatterton, le jeune locataire. Puis elle s'inquiète en entendant encore une fois son mari John Bell crier de colère. Le Quaker tient à la rassurer.